Ouais, si fait que tu dois recommander, toi et décomposer, je vais. Sauter l'homme, sauter bœuf. On dit Milo, Olga, la griffe, parle d'elle-même, et tient la scène. Abidjan, Paris, Londres, Madrid, Genève. Wadja Mathieu vous salue, complicité Queen TV. La nouvelle donne solo ou Waterloo, tout le monde. La route de la gloire est parsemée de pièges. N'importe qui fait n'importe quoi pour devenir n'importe qui. À chacun son pharo pharo. Si tu veux connaître ton présent, regarde ton passé, sinon tu seras. Bébé, verroué, j'étais la clé. Fidèle Atlantis. Bébé, verroué. La clé, fermé, verroué, j'étais la clé, fermé, verroué, j'étais la clé. Salut Occident, Chima, Loba, Baloba, Balema, Samassi, Dakwaba, Didier Mathieu, Anxion, Chuba, Chuba, Chuba, Olingo, Malingo, Malingo, Malingo, Malinie, Nana, Leni, Nanimi, Lena, Nanimi, Yama, Esagante, Olingo, Malingo, Malingo, Malingo, Malinie, Dila, Koudile. Didier Mathieu, on tient toujours l'icolo. Dila Koudi, le banal équipe en l'icolo. Maître Ken, full contact. Nandimi Yango, Chuba. Hassan Koukou. Nandimi Yango, Kadase. Gaël Poukou. Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba. Verroué, j'étais la clé. Gama. Bajon international, Bazalina Mbongo Mingi, Bazalina Mbongo Mingi, va fonctionner, fonctionner, fonctionner, fonctionner. Germain, Kangala le berger. Oh ya dit la goudi la tamboulema, dit la goudi la yo, ayo, dit la goudi la tamboulema, dit la goudi la déjà. Watello, Watello, au plaisir de toutes les femmes. Et voici vos danses, la nouvelle danse. Watello, Watello, Watello, Watello, Watello, Watello. Suba, Mariam, Dado, Atuma, Matena, Abou le génie, Antonio Capello le pétrolier, Junior Galala, Malonga, Malonga, Malonga, Malo, Malonga, Malonga, Malo. Factine, Brigitte et Miami, Kiki Touré. Patience la belle camerounaise. Tous les gars. Karaningana, Kaningana, Kaningano, Karaningana, Kaningano, Kaningana, Kaningane, Kaningana, Kaningano, Karaningana, Kaningano, Kaningane, Kaningano, Kaningane, Bakende, Bakende, Batou les belles mains, tous les belles mains, tous les belles mains, tous les belles mains, tout. Sergent Kilo Hippolyta et Nadège. Juan le Mabé, Angelo Kabila, Joe Papi, Justin, Mathias, Olivier Darty, David Ebouadou, Bobby, Ali Koné, Georges Bailly, DJ Franck, Chetimba, Akishasa, Billy le Maestro, Miss Raissa. Fermé, verroué, j'étais la clé. Fermé, verroué, j'étais la clé. Fermé, verroué, j'étais la clé. Fermé, verroué, j'étais la clé. Fermé, verroué, j'étais la clé. clé.